Section 48 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johanne. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11, troisième partie, l'architecture, la sculpture, la peinture, par André Berthelot. L'évolution dans les arts. La renaissance artistique fut en Italie, comme dans les autres pays européens, la conséquence d'un mouvement réaliste, c'est-à-dire d'un retour à l'observation de la nature et des progrès de la technique. L'influence de l'humanisme et des modèles antiques se manifesta ensuite et détermina une évolution idéaliste qui produisit, au début du XVIe siècle, un nouvel art classique. Si nous voulons remonter au point de départ du mouvement naturaliste qui engendra la Renaissance artistique, il nous faut revenir jusqu'à l'art roman, si abstrait, si éloigné de la nature. Dans les portes de bronze de la cathédrale de Pise, à la Porta Romana de Milan, les figures sont informes, sans proportions exactes. Le goût de la précision apparaît chez ces sculpteurs pisans lorsqu'ils revinrent au type de l'Antiquité romaine. Non seulement ils y trouvèrent des modèles exécutés avec un tout autre souci de la réalité vivante, mais eux-mêmes, au-delà de ces modèles, copièrent la nature. Nicolas de Pise, 1200-1270, a peut-être fait ses chevaux d'après l'antique, mais il a certainement sculpté d'après le modèle vivant ses lévriers, ses moutons, ses béliers. Les bas-reliefs si pathétiques de la cathédrale de Sienne sont d'un réalisme saisissant et témoignent d'une observation attentive. Le fils de Nicolas, Jean de Pise, 1240-1320, est aussi résolument gothique que son père avait été classique. Il s'inspire de la France septentrionale ou de l'Allemagne. Dans la peinture, Giotto, 1276-1336, applique des idées analogues et lui aussi est conduit par l'art gothique à la nature. Cependant, la représentation de la figure humaine, l'étude du corps humain, demeure bien insuffisante. Les sculpteurs anonymes, siennois, de la façade du dôme d'Orvieto font un pas de plus. Dans la création, dans le jugement dernier, les nus sont parfaitement étudiés. Le naturalisme s'affirme par une sorte de prédilection pour la laideur. Dans les scènes de miracles, on étale les infirmités de malades guéris par le Christ ou les saints. Dans le triomphe de la mort du Campo Santo de Pise, les cul-de-jatte, les estropiés qui se traînent à terre, sont d'une vérité répugnante. À l'exception du cheval, qu'on n'arrive guère à dessiner correctement, les animaux trouvent des peintres et sont assez exactement reproduits. Le paysage est négligé ou réduit à quelques formes conventionnelles. On montre le Colisée comme un château rond, couvert d'un dôme de bronze. Les disciples de Giotto se bornent à copier leur maître. Les leçons de l'atelier ne suppléent pas à celles de la nature. À la fin du XIVe siècle, la décadence est complète. Les fresques de l'école giottesque sont presque aussi peu vivantes que la peinture byzantine. Dès les premières années du XVe siècle, s'accuse à Florence la tendance réaliste qui transforme les arts. Les moyens d'expression sont prodigieusement perfectionnés. L'anatomie artistique se fonde sur de véritables travaux scientifiques. Les premiers artistes qui aient disséqué sont Pola Juolo et Verrocchio dans la seconde moitié du XVe siècle. Mais l'étude du modèle vivant est pratiquée par les maîtres. Il est vrai que dans l'enseignement, on ne l'employait pas encore. La grande réputation des fresques de Masaccio, 1402-1443, s'explique en partie parce que des générations d'élèves vinrent étudier ces nudités. En thèse générale, les artistes du XVe siècle, les quattrocentistes, comme on dit, s'attaquent rarement aux nus. Les scrupules religieux, si énergiquement manifestés par Savonarole, qui fit brûler les académies, les arrêtent moins que leur inexpérience. Celle-ci ne cesse qu'à la fin du siècle. La perspective linéaire fut créée par Brunellesco. Les règles en furent posées dans les traités d'Alberti, 1435, de Piero della Francesca. Auparavant déjà, elles avaient été appliquées à la peinture par Masaccio. Elles le furent d'une manière plus originale par Ghiberti et Donatello au bas-relief. La perspective engendra la science des raccourcis, qui fut bientôt portée à sa perfection. Pour le dessin, Mantegna et Piero della Francesca n'ont pas été surpassés. Il faut encore nommer les peintres orfèvres, Pollajuolo et Verrocchio. Ce dernier fut presque autant un savant qu'un artiste. On lui doit l'exécution de la merveilleuse statue équestre du Colleone. Il forma des élèves comme Léonard de Vinci et Michel-Ange. Influence des Pays-Bas, de la France et de l'Allemagne. Une grande partie des innovations techniques furent empruntées par les artistes italiens ou flamands. Ceux-ci leur enseignèrent la perspective aérienne, leur transmirent les recettes de la peinture à l'huile, portées à sa perfection dès le début. Rien de plus frais que les œuvres des Flamands et de leurs premiers initiateurs italiens, Antonello de Messine par exemple. En revanche, la gravure au burin, inventée en Allemagne ou dans les Pays-Bas, fut beaucoup perfectionnée par l'orfèvre florentin Finigherin, dont le premier niel connu, La Paix, date de 1452. La gravure se développe lentement en Italie. Les tendances aristocratiques de l'art font dédaigner la gravure sur bois qui vulgarisait en Allemagne les images de sainteté. La gravure en clair-obscur ou en camailleux et l'eau-forte, inventées en Allemagne, furent importées en Italie au XIVe siècle. De ces découvertes empruntées aux ultramontains, la seule qui ait produit dans la péninsule un effet considérable est celle de la peinture à l'huile. Encore jusqu'à la fin du XIVe siècle, la fresque eut-elle de beaucoup la plus grande importance. Les progrès techniques amènent les artistes à serrer de plus près la nature. Ils n'en viennent pas encore à emprunter généralement leur sujet à la vie contemporaine. Ils choisissent des scènes religieuses ou mythologiques. Mais le plus souvent, ils les traitent en représentant des personnages et des mœurs de leur temps. Les prophètes d'abord, puis les saints, ont été dépouillés de leurs nimbes, de leurs attributs, et transformés en bourgeois du XVe siècle. Cette interprétation s'étend enfin à la Sainte Famille, qu'on fasse de la Vierge une jeune femme, Ghirlandajo, Botticelli, ou une vieille, Donatello, Mantegna. Les portraits se multiplient, le Moyen-Âge n'en avait guère connu. Mais quand l'individualisme triomphe, on met partout des portraits. Dans les compositions historiques, dans les tableaux de sainteté, les traits des héros, des saints, des martyrs sont ceux d'amis ou de protecteurs de l'artiste. La Vierge de Fra Filippo Lippi est le portrait de sa maîtresse. Le paysage n'existe pas comme genre distinct, mais en Toscane et en Ombrie, peintres et sculpteurs soignent et détaillent leurs fonds qui sont parfois de véritables paysages. La caricature est alors d'une importance extrême. Il semble aux souverains et aux gouvernements qu'un des meilleurs moyens de déshonorer un ennemi soit de le caricaturer sur les murs. Les Médicis firent ainsi portraire les Albizi par Andrea del Castagno, 1434, les Pazzi par Botticelli, 1478, avec qui collabora Léonard de Vinci. On les représentait pendus ou dans des attitudes ridicules, commentées par des inscriptions injurieuses. Dans les transformations que nous venons de décrire, les Italiens ont été précédés par les artistes de la France et des Pays-Bas. Il semble indiscutable qu'ils en furent les élèves. On a contesté que le réalisme italien procède du réalisme flamand. En tout cas, son développement ne s'explique que par l'influence continue de l'art septentrional. Ghiberti a débuté par le style gothique et s'est inspiré, comme peut-être Donatello, des sculpteurs de l'école de Bourgogne. On a bien compris les beautés de l'antique qu'après s'être débarrassé des entraves de l'iconographie chrétienne et être revenu au naturalisme. Ce qui est proprement italien, c'est l'architecture. Mais la sculpture florentine, laquelle est inséparable de l'orfèvrerie, dut beaucoup aux bourguignons et aux flamands, bien plus encore la peinture. Les Italiens du XVe siècle étaient les premiers à le proclamer. quand Roger van der Weyden vint les visiter en 1450, ils lui firent un accueil triomphal. Pour la vivacité et la chaleur du coloris, les Italiens ont approché leur maître. Ils ne les ont jamais égalés pour les jeux de lumière. Il faut reconnaître qu'ils ne se borneront pas là. Les grands artistes de la fin du XVe siècle s'efforcèrent simultanément de perfectionner leur technique et d'atteindre au grand style. L'influence flamande et allemande se manifesta dans le royaume de Naples grâce aux rois angevins. C'est un Sicilien, Antonello de Messine, 1444-1493, qui rapporta de Flandre, après 1465, les procédés de la peinture à l'huile. Le mouvement idéaliste, l'art classique. Après le retour à la nature, la seconde phase de l'évolution artistique italienne fut un idéalisme rationnel dominé par l'imitation de l'Antiquité. L'influence de l'Antiquité n'a pas suscité la renaissance artistique de l'Italie, mais elle lui a donné son caractère. Elle s'exerça sur les artistes bien plus tard que sur les lettrés, et par l'intermédiaire de ceux-ci. Ce qui suffirait à le prouver, c'est la marche suivie. On a d'abord emprunté à l'Antiquité les sujets. Les idées furent adoptées bien avant les formes. Il y a lieu de faire une réserve pour l'architecture, le plus abstrait des arts. Elle subit complètement l'ascendant du traité de Vitruve, retrouvé par le Pauge en 1414. Toutefois, la réaction contre le gothique, le retour à un style inspiré du roman et des ruines romaines, furent antérieurs à cette découverte. L'architecture romaine, répondant aux besoins du pays, était dans une certaine mesure nationale. Son imitation n'eut pas les inconvénients qu'eurent depuis, pour les modernes, l'imitation servile de l'architecture grecque. L'inconvénient fut d'autant moindre que les monuments romains qui subsistaient ne fournirent aucun type conforme aux nécessités du moment, palais, villas, maisons, églises. On ne refit pas des temples, des thermes, des colonnes, à peine des arcs de triomphe. On s'inspira seulement de ces modèles, demandant à l'Antiquité des principes plutôt que des sujets. Les sculpteurs et les peintres lui prirent d'abord des sujets. Lorsque le goût des scènes de mythologie ou d'histoire gréco-romaine domina dans les classes supérieures de la société, les artistes s'y conformèrent. On se ferait une idée incomplète de l'art du XVe siècle si l'on méconnaissait, à côté de la préoccupation naturaliste et de l'admiration de l'Antiquité, la persistance de la tradition chrétienne. Non seulement l'art religieux est, par l'étendue de ses commandes, le principal, mais les artistes ont généralement conservé la foi. Un certain nombre, non les moins illustres, sont des moines. Il suffit de nommer Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Fra Bartolomeo. Le style gothique s'est maintenu longtemps à côté du style classique. L'iconographie sacrée n'a pas été délaissée. Comme on l'a remarqué, les sujets religieux sont, par rapport aux sujets antiques, dans la proportion de 20 à 1. E. Muns. Tous les auteurs latins furent mis à contribution. Les Métamorphoses d'Ovide, les Écrits de Lucien, la compilation plus récente des Gesta Romanorum, inspirèrent d'innombrables artistes. Mais l'exécution est toute moderne. Dans l'Enlèvement d'Hélène, attribué à Benozzo Gozzoli, National Gallery de Londres, il n'y a de grec que le titre. Hélène, avec son corset et sa coiffe, est une contemporaine et une compatriote du peintre. Nul souci de la couleur locale. On y vint, car on possédait des œuvres antiques que souvent on copiait fidèlement. De la copie au pastiche, puis à l'imitation, le passage se fait aisément. L'admiration pour l'Antiquité ne se limite pas aux écrits. On reconnaît la supériorité des artistes romains, on cherche à s'en rapprocher, à s'approprier leur manière. Considérable fut le rôle des amateurs qui formèrent les collections, les musées d'antiques. Partout on possède des médailles, des pierres gravées. Les moulages en plâtre, les plaquettes, petits bas-reliefs, en bronze, vulgarisent les œuvres plus importantes. Bientôt des fouilles exhument plusieurs chefs-d'œuvre qui excitent un enthousiasme universel. L'éducation des artistes subit cet engouement. Auprès du musée réuni à Padoue par le Squarcione, se forme son illustre élève Mantegna et toute une école de peintres archéologues. Les sculpteurs, les premiers, ont été séduits par le nu, par les draperies de leurs devanciers latins ou grecs. Tout le monde s'éprend des motifs décoratifs de l'Antiquité, de ces mille et mille riens si pittoresques, si élégants, grecs, méandres, guirlandes, triglyphes, rinceaux, torsades, atlantes, balustres, hauves, caducées, boucles, dauphins, candélabres, mufles, imbrications, urnes, sirènes, rostres, trophées, qui captivent le regard, amusent l'imagination, de leurs contours nets et harmonieux, comme un enfant peut l'être d'un joli jouet. E. Moons. En ceci, il faut l'avouer, en ceci seulement, l'Antiquité l'emporta tout à fait, s'imposa pleinement. Les peintres, qui n'avaient pas à copier de peintures romaines, qui étaient en contact plus intime et plus constant avec la société contemporaine, n'acceptent des modèles antiques que des motifs d'architecture et des ornements. Plus tard seulement vient le tour des figures, lorsque l'esthétique platonicienne, propagée par les lettrés, condamna le naturalisme des primitifs. À celui-ci succède, au XVIe siècle, l'idéalisme. À l'étude de la nature, l'imitation de l'Antiquité. À l'individualisme artistique, les écoles et les académies gardiennes des lois du style classique. Au XVe siècle, le réalisme prévaut encore. On prend des sujets classiques aussi bien que des sujets chrétiens, mais on les traite comme des scènes contemporaines. Les fresques de Filippo Lippi, de Ghirlandajo, le prouvent. L'amour des belles formes ne fait pas encore échec à la représentation des formes vraies. On retrace des scènes des personnages réels au lieu d'allégories comme le triomphe de la chasteté de Giotto ou l'église militante. On n'attache pas d'importance exagérée à la signification d'un tableau. On s'en tient à l'art pour l'art. Peu à peu, on dévie. En s'inspirant des formes mortes, de légendes purement littéraires auxquelles nul ne croit plus, le danger est grand de verser dans le symbolisme, de figurer des idées abstraites au moyen de types d'une beauté, d'une dignité plus que réelle, en des œuvres dont la logique et le savant équilibre rappellent ceux d'une dissertation littéraire. En effet, au XVIe siècle, le symbolisme reparaît. La prédilection pour les compositions artificielles enlève toute vie aux œuvres d'art. Ces défauts furent portés à l'extrême par les Bolognais et les classiques français. Un grave défaut des théories qui prévalurent au XVIe siècle fut de nuire à l'individualisme des artistes, qui avait été une cause essentielle de leur supériorité au XVe siècle. La liberté était complète pour eux. Pas d'art officiel. L'État encourageait l'artiste isolé, non l'art en soi. Pas d'école où se donne en chaire un enseignement, pas d'académie. Dans les corporations, les artistes n'étaient pas séparés des autres artisans. À Florence, ils étaient réunis avec les médecins et les apothicaires, à Sienne avec les marchands. Leur éducation se faisait de même. Elle comprenait 3 degrés, apprentissage, compagnonnage, maîtrise. L'apprentissage durait 2 ou 3 ans en moyenne. Les maîtres les meilleurs furent les orfèvres, chez qui se formèrent Brunellesco, Ghiberti, Donatello, Ghirlandajo, sans parler des peintres orfèvres, Pollajuolo et Verrocchio, maîtres du Pérugin, de Michel-Ange et de Léonard. Il est aisé d'indiquer les causes du rôle joué par les orfèvres de la Renaissance dans l'éducation artistique. Les orfèvres n'étaient pas seulement des commerçants, mais des savants, se transmettant une masse de recettes techniques incessamment améliorées. Ils ont inventé ou retrouvé la balance hydrostatique décrite par Galilée. Ils ont donné à la chimie, à la métallurgie, bien des notions d'importance capitale. Ils étaient, par les exigences de leur métier, tenus de connaître tous les arts. L'orfèvre travaillait en architecte, quand il façonnait des niches, des colonnes, des pilastres, des fenêtres ou des pontons, en sculpteur, quand il modelait des statuettes et des bas-reliefs, en orfèvre, quand il ciselait les figures ou des ornements de petite dimension, en peintre, quand il disposait des émaux destinés à relever la beauté de la forme par la richesse du coloris, en graveur, quand il travaillait l'or ou l'argent avec la pointe ou le burin. Avec des connaissances aussi étendues, l'orfèvre de la Renaissance était le plus capable de donner à ses élèves une éducation qui leur permit d'embrasser une branche quelconque de l'art sans crainte d'y paraître insuffisant. On le considérait comme le maître par excellence, puisque les meilleurs architectes, sculpteurs et peintres d'alors étaient sortis de ses ateliers. Perkins, Ghiberti. L'universalité des artistes du XVe siècle est due à cette éducation. À côté de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange, architecte, sculpteur, peintre, ingénieur, on peut citer Giotto, peintre et architecte, Orcagna, peintre, sculpteur et architecte. Beaucoup d'artistes sont d'origine très humble. Mantegna fut, en son enfance, gardeur de moutons. Fra Bartolomeo della Porta était fils d'un charretier. Andrea del Sarto, d'un tailleur. Brunellesco, Léonard de Vinci, Michel-Ange, étaient fils de fonctionnaires. Mais la haute bourgeoisie ne voyait pas d'un bon œil ses fils s'adonner à l'art. Cela lui paraissait une déchéance. En effet, la situation sociale des artistes laissait à désirer. On les distinguait peu des artisans, car ils exerçaient un métier manuel. Ils étaient bien moins payés, surtout moins estimés que les humanistes. Le souvenir de l'Antiquité romaine ne les rehaussait pas. Quand on connut le monde hellénique, où les artistes avaient tenu une si grande place, ils gagnèrent dans l'opinion des mécènes. Quelques-uns d'entre eux furent en même temps des humanistes, tel Alberti, auteur des plus intéressants traités de théorie artistique, platonicien convaincu, imbu des leçons de l'Antiquité, savant aussi et géomètre autant que praticien. Il était mieux qualifié que personne pour dresser un catéchisme artistique. Ses livres sur la peinture, 1435, sur l'architecture, 1452, sur la sculpture, 1464, méritent encore d'être lus. Ils ont contribué au succès de l'idéalisme qui s'affirme dans le curieux roman esthétique que Francesco Colonna intitula « Songe de Prolifile », 1467, publié en 1499. L'architecture. Le premier art renouvelé par la Renaissance fut l'architecture. Nous en avons dit les raisons. Il faut ajouter l'influence d'un homme de génie, Brunellesco. La réaction contre le style du Moyen-Âge fut radicale. Rien ne diffère plus des constructions gothiques que ces édifices où tout a été sacrifié à la symétrie, à une ordonnance géométrique, avec leurs façades rectilignes où tout au plus quelques pilastres sont marqués. Les puristes, guidés par Brunellesco et Alberti, se privent de la polychromie qui diminuerait l'impression de ces surfaces planes. Ils n'admettent même pas d'ailes pour encadrer le corps principal du bâtiment. Il est vrai qu'ils n'ont plus les ambitions des gothiques. Ils ne se sont proposés qu'un seul grand problème de construction, élever de vastes coupoles à une grande hauteur. Deux fois seulement ils l'ont abordé, à Sainte-Marie-des-Fleurs de Florence et à Saint-Pierre de Rome. Il fallut pour le résoudre, ce terrible problème, Brunellesco et Michel-Ange. Ces architectes n'entreprennent pas de travaux de longue haleine comparables aux grandes cathédrales. Leurs chefs-d'œuvre sont les palais, de dimension moyenne, achevés en quelques années. Voici quelles furent les innovations par lesquelles se signala la nouvelle école. Elle revint à l'arc roman en plein cintre, renonçant à l'arc en tiers-point. Elle substitua aux piliers des colonnes. Il fallut alors modifier les proportions de l'édifice conformément aux règles posées par les anciens. On reprit donc, avec les colonnes doriques, ioniennes, corinthiennes, chacun des ordres d'architecture. Alberti, dans un essai sur Cinque Ordini Architectonici, donna les mesures. Pour les façades, Brunellesco et ses disciples suivirent la règle appliquée au palais vieux de Florence par Arnolfo di Cambio, 1240-1301. Prédominance des pleins sur les vides. Plus les pleins sont considérables, plus l'attention se porte sur les ouvertures. Au contraire, Alberti s'efforce d'éviter la monotonie en ornant ses façades de pilastres, en y multipliant les ouvertures. Mais les deux écoles sont d'accord pour éviter toute saillie trop accentuée. Elles tirent grand parti de l'appareil rustique, qui emploie des blocs à peine dégrossis en apparence. Ce système, généralisé dans les palais florentins, contribue à leur sévère grandeur. Les assises du palais Pitti semblent cyclopéennes. la fantaisie décorative ne se donna libre carrière que sur les chambranles des portes, plus tard aussi dans les fenêtres, surtout dans l'école lombarde, comme à la Chartreuse de Pavie. Quelle que soit la simplicité de l'ensemble, la richesse et l'infinie variété de l'ornementation conservent à beaucoup de palais de la Renaissance, en leurs cours intérieurs, à défaut des façades, un cachet d'élégance. Pour les églises, le plan général reste le même qu'au siècle précédent, une croix latine avec ses trois nefs. Sur le transept, on élève une coupole. On ne s'astreint plus, comme au Moyen Âge, à des règles strictes. L'individualisme se donne carrière. Des différences notables se peuvent remarquer dans le plan. On bâtit même quelques églises en croix grecque, par exemple celle de la Madonna Adelia Carceri, à Prato, bâtie par G. de San Gallo, ou circulaire, église des Camaldules de Florence, aujourd'hui ruinée, que Beauchat Brunellesco. Le Moyen-Âge léguait à la Renaissance beaucoup d'églises inachevées qu'il fallut pourvoir d'une façade. Ici, l'originalité put se marquer. Les principaux types furent donnés par Alberti. Dans sa façade de Sainte-Marie-Nouvelle à Florence, il s'inspira des basiliques du XIe siècle, particulièrement de San Miniato. Dans la façade inachevée du temple des Malatesta à Rimini, église Saint-François, il s'inspira d'un arc de triomphe romain. D'autres églises ont des façades rectangulaires analogues à celles des palais. D'autres sont surchargées de sculptures, comme l'oratoire de Saint-Bernardin de Pérouse, la Chartreuse de Pavie. On a renoncé aux campaniles. Les façades latérales, dépouillées de leurs contreforts, restent nues. L'abside perd sa couronne de chapelle. À l'intérieur, la lumière, que ne tempèrent plus les vitraux, est trop crue ou insuffisante. Mais on ne saurait trop admirer la richesse et l'élégance du mobilier religieux, chancelles, tribunes, chaires, fonts baptismaux, bénitiers, tabernacles. Citons aussi les mausolées plaqués à l'intérieur le long des murs. Un modèle de ces tombeaux en style classique est celui de Léonard Broné, par Rossellino, à Santa Croce de Florence. Dans l'architecture civile, nulle grande entreprise. Les délicats raffinés de la Renaissance manquent d'énergie. À la fin du XVe siècle, on bâtit des hôtels de ville. Jusque-là, on ne trouve guère à mentionner que des palais. On peut grouper les architectes en trois écoles ayant leur centre à Florence, Milan, Venise, et caractériser respectivement la première par la simplicité des lignes, la seconde par la variété de l'ornementation, la troisième par l'influence de l'art byzantin et oriental. École florentine d'architecture, Brunellesco, Alberti. Filippo di Ser Brunellesco, ou Dei Brunelleschi, naquit à Florence en 1377, y mourut en 1444. C'était un homme petit et laid, intelligent, spirituel, d'une volonté terrible. Son père, notaire, ne contraria pas ses goûts, le mit en apprentissage chez un orfèvre. En 1401, il concourut pour les portes en bronze du baptistère. Primé avec Ghiberti, il se retira devant son rival, il s'adonna à l'architecture, un voyage à Rome détermina sa vocation. Il lui fallut une ténacité et une diplomatie hors ligne pour se faire charger de la coupole de Sainte-Marie-des-Fleurs. L'incapacité de ses rivaux, parmi lesquels Ghiberti fut le plus obstiné, lui assura le succès. Il put achever sa fameuse coupole octogone et mourut avant d'avoir terminé la lanterne qui la surmonte. Entre-temps, il dirigeait des travaux presque aussi considérables, les églises Saint-Laurent et San Spirito, où il revint au plan des vieilles basiliques chrétiennes, la toute gracieuse chapelle des Pazzi, l'hospice des enfants trouvés, le palais Pitti, agrandi depuis, qui par sa simplicité et sa grandeur est le chef-d'œuvre de l'architecture puriste. Brunellesco est le créateur du style classique moderne. Sa coupole a servi de modèle à des milliers d'autres. Ceux même que rebute la sévérité du maître florentin ne peuvent lui contester une place exceptionnelle dans l'histoire de l'art. Il a été le promoteur d'un art nouveau, et il en a donné les œuvres les plus hardies. La caractéristique de son style est une absolue sincérité. Nul artifice, Les difficultés sont abordées de front. Nul effort pour séduire par la grâce de l'ornementation, un impérieux besoin de correction, de logique, de rythme. Auprès de ce révolutionnaire pâlit son élève, Michelozzo Michelozzi, 1396-1472, l'architecte du palais des Médicis et du couvent de Saint-Marc. Le seul qui mérite d'être nommé à côté de Brunellesco est Léon Baptiste Alberti, 1404-1484, génie encyclopédique et architecte de premier ordre. Il se bornait à tracer les plans, surveillant peu l'exécution. Nous avons parlé de ses églises. À Florence, il dessina le palais Rucellai, vers 1460. Aussi élégant et gai que ceux de Brunellesco et de ses élèves sont sévères. Il avait donné les dessins de l'église Saint-André de Mantoue, nef voûté en berceau, reposant sur d'autres voûtes en berceau qui forment des chapelles latérales séparées par d'autres chapelles à coupole. Ce plan a servi à Bramante qui le reproduisit pour Saint-Pierre de Rome. Rossellino, 1409-1464, disciple d'Alberti, travailla au Vatican et au palais Piccolomini à Sienne. L'idéal classique l'emporte tout à fait à Florence. Les Maggiano et plus encore les San Gallo s'y conforment. Benedetto de Maggiano élève ce majestueux palais Strozzi, le plus imposant des palais de Florence. Les San Gallo fondent une véritable dynastie qui se répand dans toute l'Italie. Dans leurs célèbres albums sont surtout dessinés des monuments antiques. Leurs édifices les plus vantés, la Villa de Poggio à Caggiano, l'église de la Madonna di San Biagio, près de Montepulciano, restent inférieurs à ceux construits par Brunellesco et Bramante. Ils en ont toute la sécheresse, non la noblesse et la savante géométrie. L'architecture en Lombardie et à Venise. Dans le nord de l'Italie, le style gothique se défend mieux. Lorsqu'on l'abandonne, on revient aux romans plutôt qu'aux romains. Le plus fameux architecte lombard fut Bramante. Donato di Angelo Bramante, né près d'Urbain vers 1444, d'abord peintre, se fixa vers 1472 dans le Milanais et demeura à la cour des Sforza jusqu'à leur ruine. Il adopta le style lombard, n'hésitant pas à l'occasion à employer l'arc en tiers-point. Il travailla aux églises milanaises dans plusieurs villes du duché. Il collabora à beaucoup de monuments, presque aucun ne lui appartient complètement. Ses œuvres principales sont Sainte-Marie-des-Grâces, à Milan, l'arcade plaquée sur la façade de l'église d'Abate Grasso. Il exerça un ascendant considérable même sur des artistes qui, sans avoir l'étendue de son esprit, nous ont légué des œuvres plus séduisantes, telles Homo Deo, 1471-1522, l'architecte de la chapelle du Colleone à Bergame et de l'éblouissante façade de la Chartreuse de Pavie, 1491. Au début du XVIe siècle, Bramante passa à Rome, où nous le retrouverons. À Venise, on continuait de suivre la tradition locale, mariant l'architecture gothique et l'architecture byzantine et arabe. Les églises sont médiocres, les palais plus beaux. Encore, exception faite pour celui des doges, ne peut-on vraiment admirer que les façades. Les plus élégantes, comme celle de la Scuola di San Marco, sont un simple plaquage. Les seuls noms à retenir sont ceux des Lombardies, qui combinent maladroitement dans leurs églises le style byzantin et celui du temps, mais possèdent à leur actif le beau palais Vendramin Calergi, 1481, et le nom de Fra Giocondo, mort octogénaire en 1515. Fra Giocondo, ingénieur, philologue, architecte, travailla à Venise, à Vérone, à Paris, à Rome. Il est très douteux qu'il faille lui attribuer notre château de Gaillon. Mais le palais du Conseil de Vérone, si léger et gracieux, avec sa merveilleuse décoration polychrome, suffit à sa renommée. Fin de la section 48.